Disney et la féerie de l'ombre. Dès l'enfance, tout le monde rêve devant la féerie de Disney. Mais, derrière cette magie, l'empire Disney nourrit un univers bien plus trouble. Le doute s'insinue, et si le rêve cachait des ombres? Les murs du château abritent-ils de lourds secrets? L'industrie du divertissement possède ce pouvoir étrange de façonner, mais parfois de pervertir nos imaginaires, écrivait la psychologue Florence Milo. Cela commence par un malaise. Les fans scrutent les signes. Certains journalistes traquent les failles. Des rumeurs grandissent, nourries par des témoignages sombres et des analyses tranchantes. L'auréole dorée de Disney palpite, mais son revers ressemble à une zone d'ombre captivante. Ainsi naît la question qui hante ce dossier, jusqu'où le royaume de l'enfance sacralise-t-il la perversité? Transition marquante, plongeons ensemble dans les secrets les plus anciens de Disney. Première fissure, les racines d'une légende trouble. Walt Disney, fondateur adulé, fascine autant qu'il dérange. Sa personnalité intrigue encore les biographes et psychologues. Plusieurs études psychiatriques remontent aux premières années du studio pour décrypter ses obsessions et ses fragilités. Certains psychiatres pointent la complexité de ses relations humaines et sa gestion autoritaire, source potentielle de débordement. La frontière entre génie créatif et emprise peut se révéler très ténue, affirme le psychanalyste Serge Tisseron. Au fil des décennies, des rumeurs éclatent. Accusations de harcèlement, récits anonymes, conditions de travail parfois toxiques, Disney, jadis sanctuaire, commence à inquiéter. Certains articles dénoncent l'ambiance pesante des studios, alors que les stratèges de l'entreprise restent sur la défensive. Le studio au service des projets spatiaux américains. Peu de gens le savent, au cœur de la guerre froide, Disney a collaboré avec le gouvernement américain pour insuffler l'esprit de conquête spatiale dans l'imaginaire collectif, via des films d'animation destinés au public américain et mondial. À travers des productions comme « Man in Space », commandées en partie par la NASA, Disney a façonné des opinions d'enthousiastes, parfois naïves, sur la science et l'exploration de l'espace. Le rêve américain se joue aussi sur pellicule, souligne l'historien Roger Lonius, pointant l'impact durable de cette propagande culturelle sur les générations suivantes. Aujourd'hui encore, ces visions futuristes et parfois farfelues continuent d'alimenter les discussions et analyses critiques. Mais ici, le doute n'est jamais loin, il insuffle le suspense dans chaque témoignage, chaque incident non élucidé. La réputation de Disney vacille. Transition, ses premières failles ouvrent la porte à des soupçons plus sombres encore. Perversité institutionnalisée, culture d'entreprise et zone d'ombre. Dès l'intérieur de Disney, certains employés révèlent une atmosphère pesante, où la pression et le silence dominent. Des lanceurs d'alerte, souvent anonymes, évoquent des stagiaires brisés ou des méthodes contestées. La psychologie du groupe s'impose, chacun avance dans la crainte de perdre sa place ou de rompre la loi du silence. Là où règne l'omerta, la perversité prolifère, confie le spécialiste en organisation Jean-Paul Lander dans ses travaux sur la gestion toxique. Les médias, eux, cherchent la vérité. Ils multiplient les enquêtes sur les dysfonctionnements structurels et les failles du management. Mais tout ne se dit pas. Les rotations de personnel et les départs inexpliqués entretiennent encore le suspense, jusqu'à aujourd'hui. Lentement, la réputation de Disney se fissure. Une nouvelle ombre se profile, bien plus glaçante. Lien avec le monde de la pédophilie, analyse et faits troublants. À mesure que les décennies défilent, certains scandales éclatent. Des affaires judiciaires, relayées par les médias spécialisés, ciblent parfois des membres du réseau Disney ou des sous-traitants. Les rumeurs se confrontent aux faits, et la justice tente de démêler le vrai du faux dans cette zone d'ombre. Des psychologues s'intéressent à ce phénomène d'emprise et de manipulation, analysant les faits Disney sur l'enfance et la capacité de l'entreprise à façonner des comportements, volontairement ou non. Quand l'imaginaire euphémise la violence, la vigilance s'impose, insiste la pédopsychiatre Sarah Mella. Parmi la foule d'informations, la frontière entre imagination et perversion intrigue aujourd'hui plus que jamais. L'énigme ne fait que s'épaissir. Le double visage des contenus, influence cachée et polémique. Beaucoup s'interrogent sur la vraie nature des messages transmis dans les œuvres de Disney. Certains critiques décodent des symboles, des sous-entendus, voire des séquences troublantes dans plusieurs films de la firme, pouvant façonner discrètement les représentations de l'enfance. Les débats sur la sexualisation de certains personnages, ou l'inclusivité poussée dans les derniers contenus diffusés, attisent la polémique. Quand l'image se veut neutre, elle reflète parfois nos obsessions collectives, remarque le sémiologue David Reguet, soulignant l'ambiguïté permanente à l'écran. Les chercheurs en communication alertent sur la capacité de Disney à glisser ses codes dans les esprits, en toute discrétion. Les polémiques sur la manipulation ou la transformation des normes sociales se multiplient, alimentées par les réseaux sociaux et certains journalistes indépendants. Le voile de mystère s'épaissit. L'Empire ne cesse de surprendre, divisant toujours plus. Les doubles sens cachés dans les contenus Disney. La sexualisation de certains personnages féminins dans les classiques Disney, exemple, tenue suggestive de Jasmine ou Ariel, laisse planer un double sens quant à la représentation des corps pour la jeunesse. Les relations ambiguës entre des personnages adultes et enfants, comme la proximité troublante entre Frollo et Esmeralda dans Le Bossu de Notre-Dame, peuvent être interprétées à double niveau. L'omniprésence du pouvoir patriarcal, bon nombre de films mettent en avant la domination d'un père ou d'un homme sur le destin des héroïnes, Cendrillon, La Petite Sirène. L'allusion à la drogue et la perte de repères dans Alice au Pays des Merveilles, Champignon, Vision altérée, Hallucination, critiquée comme une initiation implicite à la transgression. Les sous-entendus sur la mort, le suicide ou l'abandon, exemple, la scène initiale du Roi Lion ou celle de Bambi, parfois pointés comme des traumatismes travestis sous la magie. L'affichage de symboles occultes ou sexuels, exemple, certaines formes cachées ou discutées dans le Roi Lion, la Petite Sirène, Aladdin, relève du double sens visuel. La glorification discrète de la richesse ou de la noblesse, où seuls les personnages issus de haut lignage ou d'ascendance royale semblent dignes du bonheur. Les messages ambigus sur la soumission et l'acceptation de l'injustice, comme dans Cendrillon où l'attente hâsive semble récompensée. Vers une prise de conscience ? Face à la montée des critiques et à la médiatisation des scandales, la société civile s'organise. Des parents inquiets s'expriment publiquement, tandis que des associations spécialisées demandent des comptes à l'entreprise. Certains gouvernements lancent des enquêtes ou brandissent des menaces de réglementation. Une marque ne peut plus tout cacher, à l'ère numérique l'opinion veille, constate la sociologue Sophie Massieu. Dans la tourmente, Disney tente de rassurer et promet plus de transparence. Une nouvelle ère s'ouvre-t-elle, ou n'est-ce qu'une nouvelle stratégie de communication ? Le suspense demeure, et les lecteurs se prennent à douter, entre fascination et vigilance.